Chapitre 5e. Le lendemain de cette scène, elle paraissait déjà l'avoir oubliée. Jamais je ne l'avais vue plus sereine et plus calme. Était-elle donc soudainement guérie de son amour, ou avait-elle pris son parti de la trahison de ce lâche amant? Elle me pria de la conduire chez un célèbre jardinier pépiniériste qui, au milieu de l'hiver, faisait épanouir dans ses serres les plus splendides fleurs tropicales. À l'aspect de cette végétation merveilleuse, elle jeta des cris de joie comme un enfant, car elle aimait passionnément les fleurs, et je vidai ma bourse pour satisfaire son caprice en achetant une forêt d'orangers, de camélias, de zamia indien, de jasmin et de tubéreuses. Je regrettais d'être pauvre en sentant le bonheur de combler les souhaits de la femme que l'on aime, et je me promis de me remettre avec ardeur au travail que le découragement m'avait fait abandonner depuis plusieurs mois. Annonciade rentra chez elle à midi. Tout le jour, je fus oppressé d'une vague inquiétude et ne pus rester au logis. Je retournai voir Annonciade à 9 heures du soir. Une de ses jeunes sœurs m'ouvrit la porte. Elle avait la figure effarée et s'écria en m'apercevant « C'est vous, monsieur Paul ? Quel bonheur ! Je craignais tant que vous ne vinssiez pas. « Qu'est-il donc arrivé ? » demandai-je en pâlissant. « J'ai peur, » répondit l'enfant. Depuis une heure, il m'a semblé entendre plusieurs fois des soupirs et des gémissements dans la chambre de ma sœur. J'ai voulu entrer, mais la porte était fermée au verrou. J'ai appelé. Elle n'a pas répondu. Que faire ? Je m'élançai aussitôt vers cette porte maudite, pressentant quelque événement sinistre. Je frappai et je criai vainement. Un silence de mort. Éperdu, j'enfonçai la porte et je reculai comme asphyxié par les émanations pénétrantes des fleurs qui s'exhalait de la chambre. Une chaleur moite et suffocante comme celle d'un bain de vapeur plaquait aux carreaux des fenêtres de blanchâtre sueur. Le tissu des feuilles et des fleurs des arbustes qui encombraient le parquet, les meubles et le dessus de la cheminée se dilataient étrangement sous l'action d'une température sénégalienne. L'air atmosphérique était absorbé par les pores des plantes et oppressé de parfums. Les fenêtres étaient calfeutrées. Je compris tout. Annonciade était renversée sur son lit, assoupie d'une torpeur vénéneuse et mortelle, sans haleine. Pendant que sa sœur épouvantée ouvrait les fenêtres et laissait les bouffées d'air purifier la chambre, je saisis les mains de la pauvre fille. Elle conservait un peu de tiédeur. Je posai un miroir sur ses lèvres contractées, une ombre légère le ternit. « Nous la sauverons peut-être » m'écriai-je. Cependant, elle ouvrit les yeux au bout d'une mortelle heure, et me vit à son chevet, lui disant du regard « Annonciade, qu'avez-vous fait ?»« Vous n'avez pas eu pitié de moi, » répondit-elle d'une voix faible comme un souffle, « puisque vous ne m'avez pas laissé mourir. À quoi bon vivre quand le cœur ne bat plus ?»« Paul, la vie m'ennuie. Je trouve le soleil triste. J'ai toujours l'hiver dans le cœur. » Étienne n'a pas compris combien je l'aimais, car il m'eût épargné la cruelle humiliation d'hier. « Oh, mon ami, je vous ai causé bien des douleurs pour prix de votre affection. Oubliez donc la Flora. C'était une folle qui se punit aujourd'hui de sa folie, mais qui n'a pas le courage de s'en repentir. Souvenez-vous seulement de la petite Annonciade et conservez ce corps d'or que mon père regardait comme un talisman et que j'ai toujours gardé sous ma poitrine depuis le jour où il me l'a donné. » Elle détacha de son cou le cœur d'or, relique de l'honnête Zarégui, et me le remit. « Maintenant, une dernière prière, » ajouta-t-elle. « Promettez-moi, Paul Saveuse, mon frère, de me faire ensevelir avec ce collier de corail. De plus, je veux avoir pour linceul ma robe de Sémiramis, seul débris de ma splendeur passée, qui n'est pas passée par les mains des marchandes à la toilette. « Hélas, » dit-elle avec un soupir profond, « c'est la robe que je portais à Bordeaux ce beau soir, où je crus à l'amour que me jurait Étienne. » Je pleurais et n'osais point l'interrompre. Je lui dis alors, en lui montrant ses jeunes sœurs agenouillées et sanglotant au pied du lit, « Annonciade, vous ne voulez donc pas vivre pour nous ?»« Il est trop tard, » répondit-elle d'une voix presque inintelligible, « n'est-ce pas, docteur ?» Et sa tête retomba sur l'oreiller. Horace Bianchon entrait en effet dans la chambre. Il examina la malheureuse, puis il hocha la tête et, m'entraînant dans la pièce voisine, « Satisfaite toutes ces fantaisies, » me dit-il avec émotion, « vous pouvez commander son cercueil, elle ne passera pas la nuit. » Et il s'enfuit, effrayé sans doute de mes yeux hagards et de mon sourire insensé. Cependant, par la porte qu'il venait de laisser entr'ouverte, on entendait éclater bruyamment des voix et des rires au rez-de-chaussée. Affreux contraste. Dans cette boutique du rez-de-chaussée était venue s'installer une loueuse de costumes, de travestissements et de masques. C'était pour elle la bonne saison. Nous étions en plein carnaval. La nuit venue, les rues de Paris n'étaient plus que les corridors des bals masqués monstrueux qui s'allumaient, rugissaient et galopaient dans tous les théâtres. Tout à coup, Annonciade se souleva sur son coude, les cheveux épars, le regard et l'oreille tendues comme une biche qui a entendu le son du cor résonner dans la profondeur des bois. Puis elle s'écrie avec effort. « Il est là, lui, Étienne. Je reconnais le son de sa voix et sa façon de rire. Oh, comme mon cœur bat. C'est lui, vous dis-je, à l'épaule. Je ne me trompe pas. Oh, s'il pouvait monter une minute, une seconde, dans cette chambre, il me semble que je mourrais heureuse. » Ses yeux étaient affreusement dilatés et elle me faisait signe de descendre. Comment résister aux supplications d'une mourante? Je descendis à la boutique de la loueuse. Annonciade avait dit vrai. Vaucresson y trônait. Il y avait ce soir-là bal à l'opéra, et il était venu avec quelques amis et leur maîtresse choisir des masques et des costumes. Monté sur une chaise, il distribuait à chacun le rôle qu'il lui assignait dans les intrigues du bal, et leur racontait avec une verve cynique tous les scandales au milieu desquels ils allaient se jouer. Pendant la harangue, une lorette était entrée pour louer un travestissement. Il la fit entourer par le cercle turbulent de ses amis et la menaça de raconter à haute voix son histoire si elle ne rachetait sa liberté par un baiser. Elle voulut en vain se débattre contre cette insolente provocation. Vaucresson entama aussitôt le récit du premier amour de la dame, et elle fut trop heureuse de subir les conditions de son ennemi au milieu des éclats de rire de tous ces jeunes gens et de s'enfuir aussitôt après, rouge de confusion et de honte. C'est à ces bouffonneries que je vis l'amant de Flora se complaire, tandis que sa maîtresse agonisait à quelques marches plus haut. Je restai pénétré d'horreur, et à l'endroit à la loueuse, sans daigner regarder cet homme. « Madame, lui dis-je gravement, veuillez faire cesser ce tapage, car il y a là-haut une femme qui se meurt. » Vaucresson ne voulait pas descendre de sa chaise, quoique les femmes, un peu émues, essayassent de l'entraîner en criant « À l'opéra! À l'opéra !» Alors je me tournai vers lui. « Ne devinez-vous donc pas, monsieur, lui dis-je d'une voix sourde, quelle est la femme dont je parle, et tenez-vous à ce que je nomme ici devant tout ce monde, son bourreau et son assassin ?» Il me reconnut et parut troublé, mais il n'essaya pas de résister au signe impérieux et menaçant par lequel je lui montrai la porte, et il se laissa entraîner par le groupe de ses amis. Dès que je fus remonté, Annonciade m'interrogea d'un regard où luisaient encore les feux inquiets et jaloux de l'amour. « Monsieur Étienne Vaucresson va cette nuit au bal de l'opéra, » lui répondis-je. Elle fut saisie comme d'une frénésie de désespoir. « Il va au bal, » répéta-t-elle, « avec Hortensia, n'est-ce pas? Oh, le bal, moi aussi, je voudrais y aller entendre ses rires, voir ses danses, ses travestissements, et rire encore une fois, et danser encore une fois, moi aussi. » Ses paroles étaient horribles à écouter. Elle ajouta tout à coup avec un éclat de voix strident, « Conduisez-moi au bal de l'opéra, Paul. Dites, voulez-vous ?» Bianchon se serait-il trompé? Me demandai-je, ému d'espoir, trompé par cette surexcitation fébrile qui épuisait ses forces. Je restai immobile et comme hébété. La pluie battait contre les vitres. J'entendais les voix des masques joyeux qui s'appelaient ou s'insultaient. Les voitures roulaient avec fracas sur le pavé. Je regardais étendu sur le lit cette belle Flora que j'avais applaudi à l'opéra, cette charmante Annonciade que j'avais autrefois sauvée des dents de la guivre et que je ne pouvais plus sauver aujourd'hui. Étouffant entre ces quatre murs, je revoyais par la pensée nos Pyrénées, ces corniches suspendues sur l'abîme d'où l'œil découvre le ciel d'Espagne et le ciel de France, ce gars d'écumant et perfide dans l'eau duquel tremblaient déjà les petits pieds nus d'Annonciade quand j'arrivais jusqu'à elle. Je ne sais pourquoi ces souvenirs me revinrent alors avec une impression étrange et profonde. Mais Annonciade, elle, ne pensait qu'au bal. « Vous êtes encore là, Paul ? » me dit-elle. « Allez donc me choisir un beau costume. Je veux être belle une dernière fois. Je suis bien pâle, mais je mettrai un peu de rouge, et je pourrai encore lutter d'éclat avec la belle Hortensia. Vous l'avez vue, Paul ? Avait-elle des fleurs ou des diamants dans les cheveux? Étienne paraissait-il bien fier de sa nouvelle maîtresse? Puis, regardant ses bras amaigris avec un sourire déchirant, elle soupira. « Ah, je ferai aujourd'hui une triste sémiramide !» Et s'apercevant que je ne pouvais retenir mes larmes, « Pourquoi pleurez-vous, mon bon Paul? Ce n'est pas encore l'heure. Il faut rire, il faut s'amuser cette nuit encore. Vous devriez me haïr, vous, » reprit-elle en ayant l'air de réfléchir. « Tandis que l'autre, ah, l'autre, » fit-elle avec un ricanement amer, « il va au bal avec Hortensia. » Avais-je encore ma raison? Je l'ignore. Il me restait pour toute fortune une cinquantaine de francs. J'allais les jeter sur le comptoir de la loueuse, je choisis le plus beau des travestissements qui lui restaient, et l'emportant avec la vivacité d'un avare ou d'un voleur, je revins le poser sur le lit d'Annonciade. Elle jeta un cri de joie, demanda son miroir, commanda à sa sœur d'arranger ses cheveux et de les tordre en couronne, puis, au moment où le peigne les toucha, elle retomba sans force, retenant le costume de bal de ses mains crispées. Je restais foudroyé. « Monsieur Paul, me dit timidement la jeune sœur, le médecin m'a recommandé, si Flora s'évanouissait, de lui faire prendre une potion dont voici l'ordonnance. « Je vais la chercher, » m'écriai-je. « Mais nous n'avons plus d'argent à la maison, » reprit-elle, toute honteuse, « et le pharmacien a déjà refusé de nous faire plus longtemps crédit. » Je crus que je deviendrais fou. Moi aussi je n'avais plus d'argent, et je ne connaissais plus d'amis. J'allais, je venais dans la chambre, je fouillais mes poches vides comme un forcené, je maudissais ma lâche paresse, j'ouvrais et je refermais les tiroirs d'une malheureuse toilette. Rien. Oh, Lucien, qui n'a pas passé par de telles misères, ne sait pas tout ce que la vie comporte de douleur et tout ce que le cœur peut souffrir sans éclater et sans se briser. En ce moment, on frappe à la porte et je dis machinalement « Entrez ».«